Voici mon incroyable famille. Ma grand-mère, Yumi, est japonaise. Et mon grand-père, Patrick, est français. Mes grands-parents habitent au Japon. Et ma mère et mon père vivent au Brésil. Mon ami et moi, nous passons toutes nos vacances d'été dans leur appartement avec notre fille Carla. Durant l'année, nous vivons dans notre maison en Allemagne.